Yeah, yeah, 400 yens, mec. Pour la P94K, hein. Ghetto. Du 94, c'est nous les patrons, mec. Champignons sur ma. Yeah, pas que tu confondes. Yeah, prends le sud-est. Pour la P, yeah, yeah, yeah. On a le son qui blesse. Ma voix les perce, c'est indomptable. Négro, faut pas que tu pèses la gaffe. Reçois l'impact de mon ghetto. Fusil à pompe dans le coffre, petit enquête, fonce dès la peur dans le froc. Yeah, le vrai qui sort de ma gorge. C'est comme la fumée de mon blunt boy. Vois les buts dans le décor, le style est mortel. Nique les forces de l'ordre, négro t'es mort. Écoute mon flow à la mort. Yeah, je crois qu'on blague. Blanche pure pour les raps, ça et les blagues. Toujours le 9-4 sur la plaque. Dans le rap, les fils de pute, nous on les claque, on fout la merde. Yeah, toujours en guerre. Guyenne pousse dans la colère, froid polaire. J'suis de la race que nul ne tolère. Mon nom résonne comme le tonnerre. La yeah, je fais les mains en l'air. Pas le train, ce son c'est la guerre. Pas le train, toujours du son pour les ghetto yo. Yeah, un putain de son pour les ghetto yo. Je fais les mains en l'air. Pas le train, mon clan c'est les yeah. Pas le train, yeah, du rap pour les ghetto yo. Gros du kiff, c'est du rap pour les ghetto yo. C'est 9-4 bois, yeah. L'école du bois, les yens du bois, les meutes du bois. Ici tout Paname, négro vient du bois. Le major en l'air, le 9-4, je suis son troisième doigt. Les yens des bêtes humaines, jamais statiques. On ramène du cash à la base, quoi qu'il arrive. C'est police et trafic, capuche le Val de Marne. 400 yens, c'est une menace de mort. Nous on veut pas de sucer, bâtard. Eh, hey, tu te reconnais avec tes contrats de bâtard. Le son c'est Mad Max, ça fait boum boum clac. Dans le rap y'a pas droit sans ces petits bouffons. Un guerrier de la nuit, tu vas entendre parler de nous. Baltringue de Clicli à Champigny 9-4. Un monde froid défonce les portes. Mon gang, mon camp, prêt pour le massacre. Fais les mains en l'air, Baltringue. Ce son c'est la guerre. Pas le train, toujours du son pour les ghetto you. Yeah, un putain de son pour les ghetto you. Fais les mains en l'air, pas le train. Mon clan c'est les yeah, pas le train. Du rap pour les ghetto you. Yeah, gros du kiff, c'est du rap pour les ghetto you. On va ma musique à Hiroshima, des schlasses, des usines. Le béton te parle maintenant. Ici et tout le suite, des rimes sans la piste, les égouts. Mon style ramasse les mégots. Ma voix sans le béto, et dans mes yeux les égouts. Yeah, criminel c'est le thème. Une paire de Stan Smith et une bouteille de haine. C'est le 9-4 qui cause ici. On voit ton fric dans ta substance en foire et on te laisse dans la pelouse ici. Haha, les poils fusent sur la capitale. La street dégage une odeur de sang. Les necks sont pas la vraie de speed. Les minos ils suivent, s'improvisent gangsters. Et rapidement abandonnent les livres. Les crocs ont poussé mais seulement les couilles suivent pas. Je déchiffre ta race si tu viens dans mon 9-4 bois. Enfoiré, on rappe pas pour les baltringues. Black P plus des yens, fuck les baltringues. Fais les mains en l'air, baltringues. Ce son c'est la guerre, baltringues. Toujours du son pour les ghetto you. Putain de son pour les ghetto you. Fais les mains en l'air, pas le train. Mon clan c'est les yeah, pas le train. Du rap pour les ghetto you. Gros du kiff, c'est du rap pour les ghetto you.